tierce rêve enchanteur. Tu d'autre qui l'entendis solitaire, éveille-toi, regarde le chanteur, esclave de tes yeux dans la nuit claire. Éveille-toi, mon âme, ma pensée, entends ma voix par la brise emportée. Adaigne te montrer, daigne apparaître.